Moi, quand je serai grand, j'aimerais travailler, avoir un appartement et payer mon loyer. Si j'avais le choix, j'irais bosser sur le champ. Mais je suis qu'un anchois, je nage à contre-courant. Pas facile. Facile pour un poisson de créer son avenir quand t'es entouré de plancton. Ça fait pas trop sourire. On peut bien commencer à avoir une femme et trois bambins, mais on est vite limité dans cet énorme bain. J'ai quelques collègues qui sont sortis du ruisseau. Ils ont vu les hirondelles en fleur de l'eau, mais sont vite redescendus au bord du rivage, attrapés par un moustachu. Ils ont quitté le paysage. Pas facile, pas facile, pas facile pour un poisson de créer son avenir quand t'es entouré de plancton. Ça fait pas trop sourire. On peut bien commencer à avoir une femme et trois bambins, mais on est vite limité dans cet énorme bain. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je me fais pas de soucis pour eux. Ils sont pas revenus, c'est qu'ils doivent être heureux. Ils ont dû trouver une place dans une petite entreprise, un genre de vendeur de glace ou de chocolat surprise. Moi c'est sûr, je l'ai juré, un jour je sortirai, je serai enfin libre, je commencerai à vivre. Quitte à entrer dans une petite boîte, il paraît qu'on y est serré, mais le principal c'est d'assurer ces prochaines années. Pas facile, pas facile pour un poisson de créer son avenir quand t'es entouré de plancton. Ça fait pas trop sourire. On peut bien commencer à avoir une femme et trois bambins, mais on est vite limité dans cet énorme bain. Facile.